miracle au-delà. De nos riens, soyons fiers. Le soleil de nos amours ne brillera pas toujours. Devions-nous défaillir dans le lambeau de l'or jeté vers le néant? Devions-nous nous punir de nos êtres vivants?